Le Royaume des Femmes, votre émission qui parle de la vie des femmes dans la société. Le Royaume des Femmes, parce que nous sommes les leaders de la société. Le Royaume des Femmes, c'est tous les lundis à 15h sur Béquet FM. Présentation, Ya Rachel. Les relations amoureuses solides ont pour base fondamentale un sentiment de sécurité réciproque. Et donc, la confiance mutuelle aujourd'hui n'est pas toujours présente au sein du couple. Cela est dû à quoi? Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Très chère reine et roi du royaume des femmes, voilà, du royaume des femmes, merci de nous suivre sur BEC FM. Je suis Rachel à ce microphone. La technique sera la fête de Samuel. Et je suis aujourd'hui avec des reines et un roi sur ce plateau. Je commence bien évidemment par le seul roi, le seul garçon. Ouais. Il dit, ouais, il est content. Bonsoir. Voilà, bonsoir Franklin. Ouais, bonsoir Tanti Jolie. Bonne arrivée. Merci. Ok, juste à côté, nous avons Makani bien installée, j'espère. Ça fait vraiment longtemps. C'est ça. Ah. D'accord. Et ensuite, nous avons Émilie. Émilie, ça va? Ça va super bien, super. Toi? Ça va bien. Dieu merci. Et enfin, nous avons Kanate Mariam. Elle est de retour aussi. Ouais, je suis là. Hey. Ah oui, comme vous le savez très bien, tous nos invités sont là, toutes les reines, le roi aussi. Nous sommes là, nous vous attendons et j'espère que vous êtes déjà chez vous et vous êtes aussi à notre écoute. Alors, merci encore à Samuel qui va nous conduire au sein de sa cabine, bien sûr. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui ne m'a pas retenu. Joli visage mais avec aucune femme quand je l'ai connue. Les années sont passées, elle grandit, il faut voir ce qu'elle est devenue. Surchargée de haut en bas, ce que les hommes veulent c'est de la voir nue. Et vu qu'elle était là dès le début, je pensais être son élu. J'avais fait la promesse avant tout ça de l'épouser. Je lui ai dit j'étais là dès le début. Maintenant tu ne me vois même plus. C'est ton nouveau corps qui t'a donné la force de me repousser. Sa beauté elle est abusée. Comment vous la décrire en un seul mot? Vitogo, Vitogo, Vitogo. Il y a quelques je crois j'en veux pas une autre. Sa beauté elle est abusée. Comment vous la décrire en un seul mot? Vitogo, Vitogo, Vitogo. Il y a quelques je crois j'en veux pas une autre. Même qu'il y a entre nous, elle ferme jamais ses genoux. Comme si elle voulait rattraper les échecs de toutes ces années. Ouf. Et vu qu'elle ne ferme jamais ses genoux, comment lui dire un homme? Je suis le premier à l'avoir vu, je refuse de passer dernier. La romance me fit, c'est l'ego, on finit par prendre le dessus. En combien de langues vais devoir t'expliquer que tu m'as déçu? Je t'aimais pour ce que t'étais, tu ne m'as même pas donné d'excuses. On devait tout recommencer, mon cœur aurait mis l'armure. Ouh, et vu que j'étais là dès le début, je pensais être son élu. J'ai lui avait fait la promesse avant tout ça de l'épouser. Je lui ai dit j'étais là dès le début. Maintenant tu me vois même. C'est ton nouveau corps qui t'a donné la force de me repousser. Sa beauté elle est abusée. Comment vous la décrire en un seul mot? Vitogo, Vitogo, Vitogo. Il y a quelques je crois j'en veux pas une autre. Sa beauté, elle est abusée. Comment vous la différenciez? Dadjou tout à l'heure qui nous chantait Kitoko, voilà. Dadjou, nous savons très bien que c'est le chouchou des filles, le chouchou des nanas. C'est voilà. Ça, c'est notre baisson. Ah oui. Ouais, c'est notre cœur. Alors, et quand on entend parler de Dadjou directement, on sait déjà de quoi il s'agit dans le royaume des femmes. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de la confiance au sein des couples, voilà. Parce que là, la confiance est vraiment un signe très important. Et je dirais même la base de c'est toute ça, relation. Alors, malheureusement, il y a certaines relations où il n'y a pas de confiance, mais ils sont calés. On ne se comprend pas. Donc, aujourd'hui, on va s'expliquer, on va se dilégué, on va voir c'est ça. Ce qu'il y a dedans. OK. Alors, déjà, il faut savoir que le sujet est le suivant. Je l'aime, Donc, je suis dans l'obligation de lui faire confiance. Ce qui voudrait dire que, quel que soit Alpha, même s'il me trompe, je suis là. Ah. Donc là, très chère reine et notre roi, moi, j'aimerais savoir ici, déjà, c'est quoi la confiance? Je commence par notre seul roi. C'est quoi la confiance dans un couple pour toi? Bon, la confiance, comment je vais définir ça? Bon, c'est tout simplement, c'est de croire, voilà. Ça renvoie aussi à une considération. Ah, faire oui. confiance à une personne, c'est aussi considérer. Mm-hmm. Voilà, tout simplement, pour le moment, c'est ce que j'ai. Pour le moment, ouais. D'accord. Et là, je tiens à souligner que M. Franklin, il mm-hmm. est d'accord pour le fait d'être en relation et puis ne pas forcément avoir confiance en sa partenaire ou bien son partenaire. Ah, mais du moment où tu décides d'être en relation avec une personne, il y a la confiance doit s'installer. C'est la base d'une relation. Ah oui. Ça fait partie des bases, si je peux le dire. D'accord. Confiance. Et là, il est avec Makani. Voilà, désolé, les deux noms. Makani, Kanate. Ok. Il est avec Makani qui est aussi d'accord. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est le cas pour Kanate, Mariam? Ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. Pourquoi? Non, je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est pas Vas-y. Parce qu'on est ensemble que je suis dans l'obligation de te faire confiance. Non. Souvent, même toi, même tu vois ton pain. Tu sais que le pain, c'est un pain. C'est pas toi, tu es sur le pain. Il est tellement croustillant. Oh. Non, mais tu veux faire relation avec lui par rapport à. Il dit que toi-même, souvent, là, tu es là. Tu vois ton pain. Tu sais qu'il te trompe. Mais comme tu n'as pas les preuves, là, tu le regardes comme ça. Mais toi-même, tu sais que je peux pas. En tout cas, ce bébé, il est aimé. Mais confiance, ça. Tu laisses. Je ne vais pas faire ça. Que si c'est dans le cas, là, vous n'allez pas dire ensemble. En fait, tu l'es bien. Il l'aime. Est-ce que c'est possible? Il l'aime. L'amour. Est-ce que c'est possible? Émilie, est-ce que c'est possible qu'une relation puisse durer s'il n'y a pas de confiance? Oui, bien sûr, ça va durer. Pourquoi? Comment? Je ne te fais pas confiance. Toi aussi, tu ne vas pas me faire confiance. Mm-hmm. Et puis, vous êtes là. On est débrouillé quand même. Ah. Voilà. Vous qui faites confiance aveuglément, c'est vous qui devenez fou folle dans la rue là-bas. C'est une relation 2.0. Tu as mis ton cœur sur le monsieur comme ça. Quand il vient, il fait bouf. Il décharge comme ça. Dit que mais c'est réciproque, c'est pareil. Ton cœur a dit que comme ça. Je ne peux pas. Non. D'accord. Mais Makani, pourquoi faire confiance à son partenaire? Pourquoi? Est-ce que tu es obligé de lui faire confiance? Oui. Pourquoi? Parce que l'amour même est basé sur la confiance, en fait. Tout simplement. D'accord. En amour, quand il n'y a pas de confiance, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ah oui. Voilà. En amitié aussi, pareil. Tant qu'il n'y a pas... L'amitié n'est pas basée sur la confiance, c'est qu'il n'y a pas d'amitié aussi. Voilà, même dans la famille. Fait là, il y a confiance de bien. Quelque chose. Béré. Béré. Béré. Là, il y a confiance. Béré. Il y a confiance. Là-bas, il y a confiance. Ça a confiance. Ça va dépendre. Merci. Je vais souligner ça à nos auditeurs. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que, voilà, béré. Béré signifie le présage. Voilà. À l'ivoirien, c'est le présage. Affairage. Voilà. Donc, Makani, tu es en train de dire que. Voilà, il dit ça va dépendre. Ah oui. Moi, comme c'est là, moi, je suis une personne. Je prends un exemple sur moi-même. Moi, je suis une personne. Là. Il dit, je n'ai pas de camarades filles. Mm-hmm. Sérieux. Moi, je partage tous mes secrets aux hommes. Ah bon? C'est donc, possible? Ça dépend à qui tu vas dire ton secret. C'est ça. Voilà. Et puis, il faut étudier la personne que tu vas lui dire tes secrets aussi. Mm-hmm. C'est une question, c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut connaître la personne avant. Mais... Kanate, est-ce que tu es d'accord? Parce que là, je suis pas d'accord avec Makani. Donc, je suppose que toi, tu ne connais même pas ton gars. Vous êtes ensemble, ou bien ton chéri. Vous êtes ensemble pendant des années. Si tu ne lui fais pas confiance, c'est que tu ne le connais pas. Selon le sujet, attendez. Le sujet dit, je suis dans l'obligation. Je ne suis pas dans l'obligation de lui faire confiance, au fait. Bon, supposons, moi et puis lui, là. Lui qui, le roi Franklin. Franklin, comme ça, il me drague. Oui. J'accepte. On est ensemble. Tout. Il vient voir, il a dragué Émilie. Mm-hmm. Confiance là. Pourtant, vous êtes ensemble. Émilie, c'est pourtant ta camarade. Ensemble. Mais il vient draguer ma camarade. Ça là, il l'a vu là. Il a fait confiance. Hein? Quand il le voit, il est en train de manipuler son téléphone là. Il a tiré beaucoup à terre parce qu'il est en train de causer. Il ne peut pas. Non, je ne suis voilà, pas dans l'obligation vois, de lui faire confiance tu au fait. Vois, à ce moment là, l'amour devient bizarre. C'est ça. Ce mais vous avez dit, je suis dans l'obligation. Non, mais essayez d'attraper en train de me tromper. C'est ce qu'on. Ne te fais pas confiance en fait. Sans la confiance, si. L'amour ne peut pas être véritable. Et l'amour. Non durable. On va durer, bébé. Non, mais là, je ne sais pas, mais Émilie a l'air de ne pas être ici. Ouais, du moment où il y a sorte de méfiance, l'amour ne peut pas bien fonctionner. Mais jamais. C'est ça, je dis là. Voilà. C'est ça, je... Mais ça va durer. Faut dire pourquoi. Ça va pas durer. D'accord. Est-ce que ça tu as des exemples? Tu as des exemples, même de moi-même, mon pain, il est frais. Moi-même, je sais que je ne suis pas sûre à manger le pain. Mais comme j'aime le pain, je suis là avec le pain. Non, on est dedans. Mais c'est que tu lui fais confiance. Non, quelle confiance. Moi, mais c'est que. Il regarde à quelque part. Mais tu lui fais confiance. Donc, t'es où? Mais il est là quand même. On est là. Ça marche, Zozo. Ça marche. Et puis, ça fait combien d'années comme ça? Bon, on est dans 3 ans, 4 ans là-bas. On est dedans. Donc, on est dedans. Confiance qui est là. Il y a une confiance qui est là. Donc, c'est quoi la base alors? La base. Puisque selon Franklin et puis la base. Oui. C'est pas la phrase. La phrase d'or. C'est la communication. La communication. La communication, ouais. C'est la base de quoi? C'est l'amour au fait. On s'aime. Il m'aime, je l'aime. Même s'il me trompe, là, il s'en va quelque part. Il sait que c'est moi. Donc, là, c'est ça, je me dis quoi? Les autres, là, c'est les un ton. Moi, je suis là, titulaire, s'il vous plaît. Donc, les autres, là, c'est les tuts. Non, il n'a pas confiance en lui. Il sait que là, il me trompe. Il n'a pas confiance. Il a la confiance. Si tu savais que tu es titulaire, c'est qu'il y a une confiance qui est là. Pourquoi? Je suis titulaire, mais il me trompe. Non, il n'a pas confiance en lui. Tu peux, avec fierté, dire que tu es titulaire. Tu es titulaire. C'est pas à quel point tu sais que ton gars, il peut pas te laisser. Qui t'a dit? Il veut la confiance est un peu vague. C'est selon la définition, la conception que tu vas voir du mot. Je dis que j'ai une question. Obligation. C'est dit, je suis pas dans l'obligation. T'inquiète. Tu vas parler tout à l'heure. Moi, j'ai une question cette fois-ci à Émilie. Alors, Émilie, est-ce que tu as déjà été ta confiance a déjà été abusée? C'est pas ton chéri ou bien monsieur a déjà abusé de ta confiance? Elle te raconte, elle veut parler, mais je sais pas. Même si on t'écoute, elle m'a porté lunettes même pour me dire que non, faut avoir confiance, mais je peux pas. Jamais. Pourquoi? On est dans les affaires de cœur. Non, tu nous expliques comment ça s'est passé. On voit ce qui n'a pas marché. Tu nous expliques un peu. Oui. J'étais avec mon pain, comme on le dit. Le pain. Je ne savais même pas, mais ce que je pouvais. Je dis, on me disait même à les jeunes, mais vous êtes sûr pour lui, là, mais t'es prête. Tu vas à l'école, papa te donne l'argent, tu donnes au pain. Aïe! L'argent de moi-même, tu divises en deux. Aïe! Ça fait. Pour expliquer. Donne-moi tes fonds, jusqu'à ce que tu ne sais même pas. Même. Je dis, il ne t'appelle pas aujourd'hui, même si tu es énervé. Le mal. Maintenant! Qu'est-ce qu'il va me faire? Hey, Seigneur Jésus. Ça pète. Le gars, lui, par exemple, tu avais ta camarade, forcément, quand tu as un pain, forcément, tu veux qu'il connaisse tes camarades et tout. Oui. Tchao, il vivait dans avec ma rivale. Elle était tout juste à côté de moi. C'est avec qui il partageait tout. C'est Pédjan. Mais là, ok, ça, d'accord, c'est allons. Cas, hein. C'est les hommes. Comment est-ce que je vais savoir? Un jour, j'étais là, au fait, mon téléphone elles était éteint. Elles vont te présenter aujourd'hui. Mon téléphone était éteint, il avait besoin d'un téléphone pour faire un truc rapidement. Je prends, je regarde, il envoie un message. Mon cœur dit quoi? Oui. Le mot. Attends. Elle n'a pas bien vu. Regarde comme ça. Non, Franklin, il faut te calmer. Non, elle va finir d'abord. Je suis partie vers elle, je dis, ah, chérie Coco, ça c'est quoi? Il n'a pas voulu discuter. Il faut rentrer dans les messages. Il a commencé à dire, il faut faire vite. Non, c'est frappé. Il a dit, tous les messages qui sont dedans là. Même avec moi, même, il ne disait pas ça. C'est que ce n'était pas toi la titulaire. Il n'y a pas les organes dans les affaires de cœur. Ah, maintenant il a dit, ah bon, donc c'est comme ça. Et ils m'ont fait. Ils m'ont fait. Ça, ce n'est pas une première fois. Ils m'ont fait. Lui, les deux m'ont fait. Ah, les deux t'ont fait. On s'est trompé. Et pour moi, aujourd'hui, moi, j'ai fait confiance à quelqu'un. J'ai un bébé. On s'aime, c'est l'amour. Mais Kanate, là, elle a pensé que elle était la seule. Elle pensait qu'elle était la titulaire. Non, mais j'étais dedans. Ça m'a eu aussi. Donc maintenant, comment tu fais? Et puis elle s'arrête, elle fait confiance. Viens me répondre. Tu n'es pas la seule, bébé. Macari, tu n'es pas seule. Je ne peux pas. Attends, c'est que toi, tu oublies aussi. Hein. Ta camarade, elle est fautive aussi. Elle est fautive. Le père aussi est fautive. Mais au fait, garçon n'a jamais honte. C'est toi la femme, tu dois prendre tes dispositions. Et... ça arrive. Ah, ouais, ça arrive. Explique-moi, me donne les conseils. Moi, comme c'est là, ma petite soeur, il y a une de mes cousines, là, elle a au gêné. Je sais pas, il y a un gars qui venait derrière. En ce moment, elle avait, son téléphone est gâté. Et puis, elle m'a donné, elle a donné mon numéro à le gars. Un jour, le jeune, il a essayé de. De draguer. D'échanger avec moi. Il m'a dragué. Il a dit, moi, il ne fait pas ça. Hein. Il dit, tu es avec ma petite soeur, ça, ça va. Et puis, ça s'arrête là. Quand tu es une bonne personne, il y a d'autres choses qu'on peut dire. Ah, tu pas je veux dire quoi. Ton pied là, mais quand ta camarade voit, elle dit, mais attends. Là, il y a une question. Je pose la question. On va se calmer. Je vais poser la question à nos trois reines qui sont sur le plateau. Parce que là, nous avons l'impression que, voilà, nous sommes entre camarades. Entre camarades femmes. Je suis avec mon pain, ça va tellement bien. Le pain, il est tellement bon dedans, il est bon dehors. Quand on est entre camarades, ça cause, ça dit tout et rien. Voilà. Donc, moi, mon pain, là, il me prend bien. Il me donne bien. Donc, imagine si ta camarade est à côté. Elle, elle n'a pas de pain. Elle n'a pas, pas ce genre de pain. Et puis, elle est tentée à goûter aussi. Comment ça se passe avec toi, ton pain? Comment ça se passe? Parce que là, il faut savoir qu'entre camarades aussi, il y a cette histoire de confiance-là. Tu ne sais pas qui est qui. Mais là, tu parles. Voilà, parce qu'il faut parler. Ce que Makanye m'a dit là, c'est la vérité. Au fait, les hommes n'ont pas honte, vraiment. Moi, ce qu'elle a dit à Sama, ça m'est arrivé, on peut dire à trois reprises, même jusqu'à présent, même je vis. Il y a un même là, il est tout le temps là. Les gens, c'est ma meilleure amie au fait, elle me dit tout et tout. Le pain en question, c'est un juge, il est à Abidjan. Donc, elle m'a donné le numéro du pain, je causais le pain tout et tout. Un jour, le pain me dit, bon, ma belle, faut m'envoyer ta photo et voir. Selon moi, c'est mon beau. Donc, comme il ne me connaît pas là, il a envoyé ma photo. Il envoie une photo, il dit, hey, belle, tu as joué. Ah, merci. Donc, ça là-haut, il vient causer un mot. Il dit, hey, et hey, ma camarade. Il dit, lui, il n'est pas ma camarade. Et puis, bizarrement, il cosplay ma camarade. Ah. Il dit, si c'est moi, tu veux là, mon frère, c'est que tu as galéré. Tu vas galérer donc, parce que je ne peux pas faire ça, en fait. Je ne peux pas faire ça. Tu as eu ton pain, c'est ton pain, je suis avec mon pain. Je ne peux pas taper, il ne peut pas faire taper d'eau à ma camarade. Ça, jamais. Non, mais est-ce que c'est bon, les filles, je n'ai pas fini avec ma question. Oui, est-ce que c'est bon de dire tout entre camarades? Est-ce que c'est bon de faire confiance à toutes les camarades? Non, c'est, voilà, c'est le on va parler, voilà, canaté, oui. C'est pas bon, en fait. Bon, je viens comme ça, mes camarades, ma CP, Jazé connaît mon pain. Ça s'arrête là, en fait. Même souvent, échanger numéro, ma CP va poser mon pain. Hé! Si, je ne donne pas. Mais souvent, c'est quand vous avez vu des vous allez passer par elle. Rien, bébé. Bon. Tu le vois, vous voyez. Passez vous savez, le beau, la belle, c'est fini. Je ne te donne pas son numéro. Un point, un trait. Franklin, et souvent, oui. Vous pouvez être en dispute. Et puis, c'est vraiment la CP qui... Vous allez passer par la CP pour régler. Non, c'est ce qu'il dit aussi. C'est pas faux. Il y a un cas, il y a ce cas-là aussi. Il faut savoir régler les problèmes avec ton pain. C'est important. Il faut savoir régler les problèmes avec ton pain. Il ne faut pas partir à 1, 2, 3, 4. Hé, hey, CP, tu vois, non, ton beau m'a fait ça. Hé, hey, réglez vos problèmes entre vous. C'est tout ça qui envoie. Tu es belle, ma belle. Tu es beau, mon beau. Hé, hey, je ne veux pas. Mon on, pain, peut régler, mon on peut régler lorsque tu appelles et puis il décroche. S'il ne décroche pas. Hé, hey, il va. Il ne te donne pas. C'est faussé. Il ne donne pas le numéro de mon pain à quelqu'un. Bonjour, ah, bienvenue. Comme elle a dit, c'est conséquence qui conseil. Ah, elle est vaccinée. Trop vaccinée même. Hey. Oh, oui. Et puis, la première que ça m'a frappé, c'est qu'elle était naïve. Il dit tout. Mais non. Si ce que tu vois, c'est ça. Yeah, mais papa, mais Emily, c'est le samedi ou le samedi oui là, c'est ça vous allez le connaître. Sinon, mais si vous le connaissez même là, il veut pas donner son numéro. Parce que même si il m'a marré, mais vous, il joue quand vous êtes dehors là-bas, il veut pas. Mais est-ce que la méfiance même n'est pas une forme ou bien une source de, je sais pas, pour une raison pour que vous soyez séparés ou bien, je sais pas. Si on s'est séparés, la Raya, c'est qu'on devait se séparer. Sinon, un homme même qui voit que sa femme est jalouse un peu, ah, ça attise l'amour, s'il te plaît. Ah bon? Aïe! Non, je n'ai pas de jalousie maladie. Non, je n'ai pas de jalousie maladie. Au moins, genre. Tu vois, ça pimente un peu l'amour. Souvent, souvent, voilà, ouais. Tu vois. C'est un peu ça. Donc, c'est pas. Ok, donc, Makani. Il n'a rien à dire. Parce que tu fais confiance, tu fais confiance à monsieur que tu ne dois pas être jalouse, si je dois bien comprendre. pas forcément. Ma quand Idama elle voit visage de ma quand elle n'est pas jalouse. Elle n'est pas jalouse. Ah, ah, oui, jalousie. Je fais jalousie, mais c'est avec la manière en fait. Quelle, aussi tu nous expliques un peu quel genre de manière, parce que moi par exemple je ne sais pas faire petite jalousie hein. Ah oui. Ah, mon père. Tu m'expliques un exemple comme ça. Ah, oui. Quand il sort et puis il ne rentre pas vite comme ça. Mm-hmm. Bon, ça me rend jalouse au fait. Ah oui. Mais quand il rentre, comment tu fais? Et si je reste. Être en contact direct avec son chéri. Non. Tu vois. Je suis comme ça. Ah, en oui. fait. Quand il est tout le temps auprès de moi, quand on échange. Tu oublies la jalousie. Voilà. Il ne peut pas oublier la jalousie. Je suis à l'aise, au fait. Ah oui. Parce que moi, je suis une personne. Là, quand mon gars, mon père, disons. Ah oui. Je me confie à lui en même temps. Mmh. Voilà. Je change beaucoup. C'est qu'il va briser ton cœur. Boum. Et puis, quand c'est le cas, souvent, il me conseille. Parce que c'est. En communiquant, oui. on peut corriger des erreurs. En fait. C'est ça. Voilà. C'est dans la communication, on peut mieux se connaître. Mm-hmm. Voilà, moi, je suis une personne, j'aime beaucoup causer. Puis tu es ouverte. Voilà, je suis ouverte. Mm-hmm. Voilà, quand c'est le cas, là, tu vois, ça évite beaucoup de choses, en fait. Ah ouais. Voilà, non, si je comprends bien, tu dis tout à ton mec. Hmm? Tout. Tu lui pas dis forcément tout, tout uh-huh. mais il y a certains trucs que tu peux lui dire. Pas forcément uh-huh. tout. Tu comme quoi, comme ça? Comme quoi? Considérons même ma vie. Ah, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Ah, c'est pas tout on nous dit, mais c'est tout on dit au père. Voilà. Kanate a parlé tout à l'heure de béret. Est-ce que les histoires de béret entre pain, je sais pas, tu es avec ton bon, pain, tu fais béret. Ouais, avec... moi, en tout cas, moi et puis mon pain, on fait béret. Ah. Nous donner une image. Donc, si tu n'as pas confiance c'est... en lui, tu non. peux faire béret. Béret, là, c'est pas avec le confiance. Ah bon. Souvent, toi, mais tu sais que tu as fait béret. Ils vont casser le papou à quelque part, mais tu fais béret parce que tu as force, tu as bouche, tu causes ta bouche. Voilà, quand ça vient, tu te défends. C'est fini, c'est pas moi, tu as quelle preuve. Hey. Wow. Mon cher, souvent, on fait ça. D'accord, c'est bien noté. C'est nous bien, allons faire bien. Une petite pause au niveau de la technique, juste le temps de revenir. Les gens me demandent c'est qui ton mari. On l'a jamais vu, tu ne parles jamais de lui. Toutes tes copines affichent pour elle. Mais toi ce n'est pas le cas, ou bien tu n'as pas de garde. Avant de vous répondre mon chéri c'est pas votre ami. Si vous voulez le voir rendez-vous à la mairie. Un samedi quand il va me dire oui, je vais parler de lui. Mais pour l'instant je ne vous dis rien. Mon gars mon gars là oh, mon gars là eh, en tout cas il est là. Mon gars là eh, mon gars là oh, mon gars là eh, en tout cas il est là. C'est moi-même je le montre pas, c'est moi-même je l'affiche pas, c'est moi-même je ne parle pas, sinon il est là. C'est moi-même je le montre pas, c'est moi-même je l'affiche pas, c'est moi-même je ne parle pas, sinon il est là. Il y a trop de cieux, lui-même il fuit. Je le place où je veux, c'est mon produit. Et puis c'est bon comme ça, il y a trop de bouches en nid. Elles vont voir le gars, elles vont l'ignorer. Dès que c'est pour toi, elles vont le draguer. C'est mieux, je cache mon pain, je me tais et je mange bien. Elles vont voir le gars, elles vont l'ignorer. Dès que c'est pour toi, elles vont le draguer. C'est mieux, je cache mon pain, je me tais et je mange bien. Un samedi, quand il va me dire oui, je vais parler de lui. Mais pour l'instant je ne vous dis rien. Mon gars là est, mon gars là oh, mon gars là est, en tout cas il est là. Mon gars là est, mon gars là oh, mon gars là est, en tout cas il est là. C'est moi-même je le montre pas, c'est moi-même je l'affiche pas, c'est moi-même je ne parle pas, sinon il est là. Merci beaucoup Samuel, le chouchou du royaume des femmes, non? C'est notre chouchou, n'est-ce pas? Eh bah ben oui, hein. Le chouchou, le boyer, il est frais, hein. Oh, elle est ré qu'il faut, s'il te plaît. Non, c'est bon, il s'est senti, c'est bon. D'accord. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur la radio Beck FM à votre émission Le Royaume des Femmes. Aujourd'hui, nous parlons de la confiance au sein des relations, dans les relations, voilà. Est-ce que parce que tu l'aimes, donc tu dois obligatoirement lui faire confiance? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, nous avons Franklin, Makani sur le plateau qui sont pour... Makani, par exemple, elle, quel que soit Alpha, elle est avec le monsieur. Si tu veux, là, il faut la tromper. Elle est là. Elle te fait confiance, c'est tout. Franklin aussi, là. Lui-même, là, il a déjà attrapé ça. Oui, il a déjà attrapé son... Il ne veut pas trop dire. Mais il est resté quand même. Ah, mais quant à Émilie et puis Kanaté, non. Non. C'est impossible. Elles ne peuvent pas faire confiance à leur pain. Parce qu'il est tellement frais. Elle, même quand elle regarde le pain, là, elle sait que le pain, là, ils ont tellement. Les filles, là, ont tellement coupé dessus. C'est qu'il reste même là. Mais c'est long, tu ne peux pas manger ce long pain. Tu vois ce qu'il dit. Juste pour une parenthèse. Donc, Franklin, est-ce que l'infidélité est tolérable? Est-ce que tu vas, par exemple, dire que j'ai confiance à ma femme? Ou bien ma chérie, même si elle me trompe, je suis là, je vais l'accepter quand même. Parce que je lui fais confiance, je vais lui pardonner et puis on va avancer. Oh, là... Confiance, infidélité, qu'est-ce que tu dis? Confiance, infidélité. Ah oui. Infidélité, c'est un autre cas. Confiance, c'est un autre cas. D'accord. On ne peut pas confondre les deux. Hein. D'accord. Voilà. Ben, bon, infidélité aussi, ça peut rendre... Si tu lui fais confiance malgré l'infidélité, c'est normalement... Tu peux dire, elle n'a pas l'habitude ou n'a pas l'habitude de faire ça. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé. Tu peux te fâcher et puis après, bon, on tolère parce que c'est la première fois ou la deuxième fois et bon, puis on avance. Voilà, donc on peut tolérer une première fois. Ça dépend de l'erreur en fait. Ça dépend aussi de l'erreur. Voilà, il y a des erreurs qu'on peut pas tolérer. Mais si tu tolères, la relation ne pourra plus aller. Quel genre d'erreur par exemple? Voilà, si tu fais une relation, soit tu couches avec mon frère. Ah oui. Bon, là, c'est une erreur que tu vas jamais tolérer. Ça devient compliqué. Et malheureusement, s'il y a enfant qui sort dedans, bon, là, ça devient encore plus compliqué. Et s'il n'y a pas enfant? Du moment que c'est mon frère, ça devient compliqué. Et si c'est ton ami? Un ami aussi, ça devient compliqué. Il faut que soit je ne connais pas la personne. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Est-ce que c'est le cas aussi pour Kanate Makani? C'est le même cas. Oui. D'accord. Donc, si monsieur t'a trompé une fois, tu vas laisser l'affaire passer parce que voilà, bon, tu lui fais confiance. Il n'a pas laissé l'affaire, mais il veut lui intervenir pour qu'il arrête. À moins que celle qu'il est en train de draguer, il essaie de la marier. Il n'y a pas de souci. Ah, s'il t'a déjà marié, là, il peut marier l'autre. Oui. C'est possible. Et s'il ne t'a pas encore marié, tu vas accepter qu'il épouse l'autre et puis après, toi, tu viens? Non, pas forcément. Je suis déjà là. Je suis déjà dans le foyer. Tu es déjà là. Et puis, il cherche femme dehors. Ok, on veut savoir. On veut savoir. Makani, tu es mariée? Oui. Wow. Moi? Non, je ne suis pas mariée. C'est une raison qui est donnée. Ah, d'accord. Oui. Voilà, supposons que je suis mariée. Oui. Maintenant, il cherche des filles au dehors. D'accord. Voilà. Donc, moi, je veux le faire asseoir pour lui dire. Quand, au lieu de courir derrière les femmes ou de femme en femme, moi, je préfère que tu maries l'une. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bah, déjà, là, je rappelle que Makani est musulmane. Oui. Et en islam, l'homme a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes. Malheureusement pour toi, Franklin, tu ne peux pas épouser 4 femmes. Mais il y a les chrétiens qui marient. Il est découragé. D'accord. Et pour toi, Kanate, non, je vais d'abord commencer par Émilie. Parce que là, Émilie, elle a raconté un peu son vécu. Comme tu faisais confiance au monsieur, et pourtant tout à l'heure on a entendu Makani et puis Franklin dire que quand tu as confiance, une première erreur on peut tolérer. Donc pourquoi tu n'as pas toléré quand tu as su que monsieur était avec une autre personne? Mais ça, c'était trop atroce. Ça fait trop mal, je peux pas. Donc là, tu ne faisais pas confiance au monsieur. Hey, Seigneur. Confiance que j'avais en lui, là, je ne pensais pas qu'il pouvait me faire ça. Elle a mis les organes dans les cages de cœur. Ils ont brisé son corps. C'est ce que j'ai dit. Je ne pensais pas qu'il pouvait me faire ça. Et puis, il m'a fait ça. Ça m'a dès que tu apprends logiquement, tu ne peux pas pardonner. Je ne peux plus. Sur le champ, tu ne peux pas pardonner. Elle a mal. Après, le temps, jusqu'à présent, ça me fait mal. Je ne peux pas. C'est fini. C'est fini comme ça. Ah bon? Oui. Moi, tu me trompes. Au revoir. Avant de rentrer dans la relation, mais je te dis, je te trompe pas, tu me trompes pas. Genre, je sais que tu vas me tromper, mais fais si tu t'attrapes. C'est fini. Mais du moment le jeu t'attrape, bébé, sache que toi et puis moi, c'est fini. Il n'y a plus amour. Ah bon? Même si on est marié, mon divorce. Cet amour est à revoir. C'est pas à revoir. Moi, je ne partage pas mon pain. On n'aime pas foutaise. Ok, ce que tu as dit. On n'aime pas foutaise. Si tu laisses ton mari ou ton gars parce que il t'a trompé. On va se laisser. Lui que tu veux aller derrière lui là, ça serait la même chose. Qu'est-ce qu'il prouve? Mon cher. Il a dit ça. Mon cher. Finalement, on va te marier. Mon cher, ma canne. Si je comprends bien, non, je te le dis. Les hommes ne sont pas pareils. On va se calmer. Les hommes ne sont pas pareils. On va se calmer. Il y a des hommes qui sont fidèles. Non, je vais tomber sur l'homme parfait. Même si l'être humain n'est pas parfait. Ah oui. Il y a des qui l'est là. À écouter Makani, je crois que qu'il n'y a pas d'homme fidèle sur terre. Il y a ça. Ah bon? Il y a homme fidèle. Oh. Ah, mais le seul garçon même il est là, il n'était pas. J'ai mal. Le seul garçon sur le plateau, il parle pas. Tu sais ce qui envoie les choses, l'infidélité? Non. Parce que les femmes en fait elles tolèrent. Genre, quand quelque chose. Toi-même, tu sais que les hommes sont pareils. Oh. Hey, si toi, tu peux être fidèle là, qu'est-ce qui pourrait ton père ne peut pas être fidèle? Tranquille. Je ne peux pas. Merci. Il y a non, seulement qu'ils ne sont pas nombreux. C'est à cause des femmes. Non, les femmes tolèrent, en fait. Elles tolèrent les hommes quand ils font. Toi-même, tu sais que c'est un homme, il faut tolérer. Mais si c'est la femme, on dit non, elle est. Je ne peux pas dire le mot. Ouais. Je ne peux pas dire les gros mots à la radio ici. Sinon, que on sait ce que les hommes nous disent. Ah. Hey, je ne peux pas accepter. Non. D'accord, c'est bien noté. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit. Il a dit ça. Faut la marier au fait. En islam, on accepte. Oui. Mais tu maries la fille. On flirte pas avec la fille. On flirte pas. Mmh. Tu la maries, c'est fini. Donc, Kanate, si je comprends bien, t'aimais si. Monsieur, si le pain t'épouse et qu'il veut prendre une deuxième, tu vas accepter. Le pain. Ah, mais tu sais que moi-même, hey, un pépé, pardon. Pas non, ça, c'est moi. C'est bien noté. Alors, merci beaucoup à Franklin, merci à Makani, merci Émilie, merci Kanate. Malheureusement, nous tendons vers la fin de ce débat. Oui, parce que c'est pas la seule rubrique. Nous avons Femmes de valeur, nous avons Petit Secret, et ensuite, il y a le petit bonus de la semaine. Malheureusement, aujourd'hui encore, nous n'allons pas faire la rubrique Femmes de valeur, malheureusement. Mais soyez rassurés, la semaine prochaine, le lundi, vous aurez votre Femme de valeur avec Kanate. Yeah. Alors, directement, nous allons passer à Émilie qui va nous donner le petit secret de femme. Et à la fin, il y aura le petit bonus de la semaine. Et aussi, nous allons clore avec le sujet à la fin. Ok. Émilie, quand tu veux. Ok, merci. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de comment avoir une belle peau. Waouh. Voilà. Une belle peau comme pour Makani. Oui, comme pour Kanate aussi. Comme pour Kanate. Voilà. Comme pour Franklin aussi. Wow. Voilà. Ok, donc prendre soin de soi de l'intérieur. La peau est l'organe le plus grand de votre corps. Il est important d'en prendre soin. De l'intérieur et de l'extérieur. En effet, saviez-vous que la peau est composée de 70% d'eau? Rien de surprenant donc quand la nécessité de boire suffisamment d'eau chaque jour. Maintenez votre corps en forme et aussi bien hydrater votre peau. L'un des secrets d'une jolie peau réside dans l'hydratation. Voilà. Et donc, appliquez une crème hydratante. L'étape de la crème hydratante est primordiale pour obtenir une belle peau lisse et lumineuse. Okay. Une bonne crème de joues adaptée à votre peau vous assure confort et éclat tout au long de la journée. Voilà. Et encore, un autre secret. Bien dormir. Voilà, c'est important aussi. Ah, ouais. Le secret d'une belle peau réside aussi dans l'un des processus des plus naturels, le sommeil. Bien dormir et récupérer de ces journées est un élément très important dans l'étape de votre peau. Wow. Donc, C'est un peu ça. D'accord. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur bon, pas les détails, mais faire un petit résumé. Ok, donc on dit prendre soin de l'intérieur. Ah oui. Voilà, la peau est l'organe le plus grand de votre corps. Il mm-hmm. faut suffisamment boire d'eau, ah oui. bien dormir, se reposer, et puis connaître aussi appliquer une crème hydratante. Ah oui. Voilà, donc l'étape de la crème hydratante plutôt mm-hmm. est primordiale pour obtenir une belle peau lisse et lumineuse. Ah waouh. Voilà. D'accord, c'est super. Merci beaucoup, Émilie. Et là, je crois que chacun va donner son petit secret pour comment, par exemple, vous faites pour entretenir votre peau. Je commence par Kanate. Que j'ai pas au fait de secret au fait. Mm-hmm. Tout le monde sait que bon, beurre de karité. Ah oui. C'est la base au fait. La base, ouais. C'est la base. Je prends un peu de crème au marché, je viens, je prends mon beurre de karité comme ça. Je mélange la crème et puis du beurre de karité et puis je mets un peu de parfum, ah oui. tout et tout, je tape. Et puis ça même là, ça marche même dans le matin. Tu mets ton... ça brille comme ça. Ça hydrate. De... Hey, ah bon. Yeah, ça hydrate même. Là, c'est super. Et toi, Franklin, tu te pommades? Il y a des hommes qui se pommadent. Non, moi, sauf dans le matin, pour ne pas que je... quand je m'habille, les parties qui sortent là. Ah oui. Si j'ai porté une marche qui saute là, je ne pas que là. Oui. La face, c'est plus, c'est tout. Ah oui. Non, pas tout le corps. Non. C'est qu'elle dit, la faut beurre de karité. Tout le corps. Tu cherches crème. Tu mets un peu de parfum, tu tapes. Il dit que mon frère, quand tu mets sur toi comme on va, ça. On va faire ensemble. Ah, on va faire ensemble. À matin, même coup, confiant. Il n'y a pas de soucis. D'accord. Et toi, Makani? C'est pareil. Ah, ah bon. Que moi, j'ai ah, si tu, quand tu mets un peu de citron dedans, ah, voilà, en plus, tu vois. Tu mets sur le soleil. Mmh. Ah. Il dit que ça, nous avons l'air. Là, c'est super. Il y a aussi la vaseline qui n'est pas mauvaise. Oui, oui, oui. La vaseline est très bonne aussi pour l'hydratation de la peau. Alors, assez d'eau. Oui, assez d'eau. Il faut bien dormir aussi. Mmh, ah oui, dormir, ça c'est la base. Dort tous les jours. Ah, ça se voit. Je sens ça. Oh, et oui, il y a le coup. Il y a ah oui, ah, ça, tu vois. Et ça, ça va pas. Chaque jour, il m'a dit, t'es là, tu vas pas travailler. Yes. D'accord, c'est super. Merci beaucoup à vous les filles. Merci Franklin. Okay. Et là, c'est l'heure de passer à notre bonus du jour avec Franklin. Ouais, effectivement, bonus du jour. Comme... tu expliques un peu, ouais. Voilà, pour Amy, pour Kanate ouais. et puis Makani. D'accord, le bonus, c'est rien d'autre que des questionnaires oui. relatifs d'abord à la radio mm-hmm. pour que les uns les autres puissent mieux connaître la radio. Ne cherche pas, n'y a pas, n'y a pas là-bas. Ah, non, rapidement. Tu es tombé dedans. Ah, rapidement, la première question. Quel est le slogan de la radio Gbeke FM? On pose la question à qui? Bah, vous trois. D'accord. Vous trois. Gbeke FM jusqu'au bout du monde. Effectivement, c'est ça. Gbeke FM. Je vais valider ça. Donc, la deuxième question pour... oui. pour la demoiselle à côté de moi. Quelles sont les couleurs qui constituent le logo de la radio Gbeke FM? Les couleurs qui constituent le logo. Ah. C'est tout? Réponds s'il te plaît. On ne triche pas. Heureusement qu'il n'y a pas de sinon je n'ai pas donné. Hein. Ah oui. Voilà. Donc il y a l'orange, le blanc, le vert et le noir. Noir le fond, ah oui. le fond noir. Mm-hmm. Troisième question, en quoi qui est plus conseillé? Ça c'est pour la Emily. Définition de la radio Gbeke FM. Quand on dit Gbeke FM, c'est quoi? La radio de boîte. Émilie. Béquet, nous sommes dans la région du Béquet, donc du coup c'est Gbeke FM. C'est pas à ça que je m'attends. Ben souvent ouais. aussi les gens, je sais pas, tendance à appeler Boaké Gbeke. Il y a d'autres même qui appellent Gbeke. Mais à Boaké, il y a beaucoup de radios. Quand on dit Gbeke FM, quelle est la particularité de cette radio? C'est comme c'est la radio fait des natifs qui, je sais pas comment dire, la radio qui met un peu plus en valeur la ville de Boaké, la région du Gbeke, je crois. Non, ça ne me convient pas. Ah, oui. Donc, je vais donner très rapidement. Vas-y. Donc, Gbeke FM est une station de radio qui diffuse sur Internet grâce à la technologie. plutôt que les ondes. C'est ce qui fait sa particularité. Les ondes radio, c'est des ondes. Une fréquence. C'est que Gbeke, c'est l'internet. Donc on peut dire également que Gbeke FM, c'est la première web radio dans la région de Gbeke. C'est une web radio et non radio tout simple. Okay. Là, c'est une nouvelle information. Oui, ça mérite un bon espace. Oui, merci. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, merci. Franklin. Malheureusement, okay. Aujourd'hui. Donc, il a gagné. Bon. C'est moi. Bon, je vais dire c'est moi. C'est moi. La définition, la particularité, c'est moi. D'accord. Alors, merci beaucoup, Franklin. Okay, malheureusement, comme je l'ai dit, pour Femme de valeur, ça sera le lundi prochain. Et aujourd'hui, vous avez été servi du petit secret avec Émilie, du bonus de la semaine avec Franklin. Ouais. Et là, nous allons clore le débat. Le débat, est-ce que quand tu aimes quelqu'un, tu es dans l'obligation de lui faire confiance? Et donc, nous allons clore le sujet avec Émilie déjà, qui balance son doigt. Elle n'est pas d'accord. Donc, Émilie, au sorti de cette thématique, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, à nos auditrices surtout? Voilà ce que je peux dire. On ne peut pas faire 100% confiance, surtout même à un homme. Pourquoi? C'est pas possible. 100%, hein? C'est même 50%, mais c'est pas possible. Voilà. Voilà, au moins 15%. Voilà. C'est bon. Mais si tu n'as pas envie de mourir jeune, n'as pas fait confiance à un homme. N'est pas mort, Mais on fait plus haut. Il a dit que souvent, vous mettez sur toi, tu assises comme ça. Et quand tu. C'est trop. C'est trop lourd. Ta maman te demande, tu dis, maman, c'est trop fort. Tu ne peux pas comprendre. C'est fort. Goumen n'est pas ami de quelqu'un. Ne mettez pas les organes dans les affaires de cœur. Jamais. D'accord. Mais quand tu dis ne mettez pas les organes, ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Quel genre d'organes? Ça veut dire. Ah oui. C'est terre à terre. Tu sais, nous, les natifs du Cameroun, là, tu vois, ça veut dire, genre, ne faites pas confiance à 100%, en fait. Ne mettez pas tout. Je sais pas. Votre être. Tout ce que. Genre, tout. Tu dors, dépend de lui. Oui, c'est lui. Tu te réveilles, oui, c'est lui. Tu manges. Il va. Tu vas mourir, je te dis. C'est ça, il dit, vous dire, ne mettez pas les organes dans les affaires de cœur. Ne faites pas, en tout cas, ne faites pas 100% confiance à un homme, vraiment. Ne faites pas ça, chez vous. Je ris, mais ça, c'est moi, là, je peux pas faire ça. Non, faut serrer ta mine, tu vas dire, à nos auditeurs. Ok. Et puis, auditrice aussi. Auditeur, auditrice, je vous dis, moi, Kanate Mariam, de ne jamais faire confiance aux hommes à 100%. Trop, donner 20%. Et aux femmes, et aux dames. Ça, c'est réciproque aussi. Hein. Parce que femme, quand elle aime, même si on dit même que le blanc, là, même là, il va dit, oh, faut laisser lui là. Je t'ai dit. Moi. Yeah. Mon gars, nous on a trop aimé. Mon petit pompier qui est là, c'est plus les dames de maintenant. Mais vous, bizarrement, on dit que quand femme aime, elle multiplie, elle ne sait pas. On a fait trop de sacrifices. C'était pour un moment, c'est pour les dames. Souvent la même maille, tu aimes le gars là, je veux pas. Tu vois le gars la même maille quand tu souris. Ça dépend de lui en fait. C'est pas vrai. Non, ne fait pas. Je vous dis, sérieux, attendez, je vais serrer ma mine. Ok, vas-y. Auditeur, auditrice, moi, Kanate Mariam, je vous dis de ne jamais faire confiance à un homme à 100%. Trop, donnez-lui 20%, ça suffit. Le reste, là, mettez dans les projets. Voilà, c'est mieux, quoi. Au moins, tu es riche, là. Même là. C'est ça. Tu ne penses pas à ça. Il y a quoi à vous. Alors, Franklin, qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir de ce sujet? Bon, ce qui rend le sujet un peu plus bizarre, certainement, c'est le mot obligation. La confiance, c'est l'une des bases. Une fois qu'il y a méfiance, vraiment, ça devient un peu compliqué. Tu vois qu'il y a certaines choses que tu pouvais faire que tu te retrouves ne plus pouvoir faire. Et cela, ça peut amener la relation vraiment à s'achever ou à se terminer sans que chacun s'en rende compte. Voilà. C'est le mot obligation qui est un peu compliqué, sinon compliqué. La confiance c'est l'une des bases, d'accord, tout simplement. Donc là, il faut faire au moins confiance, voilà, à monsieur ou bien madame, à 20%, hein, comme l'a dit Kanate. Oui, 20%. C'est trop petit. Petit, il faut 15. Au moins à la moitié. 20% même, 15%. Tu fais comme ça, même à 20%, tu lui as trop donné. Hey, tu lui as trop donné. Moi, il dit 15%. Trop. Ah, 15%, on diminue même. Tu vois, 20% même, tu donnes même quand il brise comme ça, là, tu trembles. Imagine, tu donnes 50%, mais hey, mais elle a dit tu vas mourir. Tu meurs. Non, le gourmet, on dirait que c'est quelque chose. Goumé, quoi, ça détruit. Marcanette, là, c'est femme de foyer, celle-là. Attends, tu veux soulever un autre sujet? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi-même, je suis femme de foyer. Ah bon? Hey! D'accord. Donc, Makani, rapidement, qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs sur ce thème-là? Bon, comme Frankie l'a si bien dit, c'est le mot obligation. Qui a un peu compliqué le sujet. Voilà. Sinon, l'amour est basé sur la confiance. Voilà. C'est ce que moi je me dis à chaque fois. Il dit l'homme, lui, il est comme ce qu'il est au fait. Oui. L'homme, il va jamais changer. Il va jamais changer. Mm-hmm. Voilà. Donc, tu essaies. Ils n'ont pas le choix, ou bien. en tout cas, ils n'ont pas le choix. La femme... si tu peux, il y a les garçons, ils sont là, ils n'ont pas quelqu'un qui peut leur mettre sur un bon chemin, en fait. Ah oui. Voilà. Donc l'homme, on peut dire que en quelque sorte, c'est un bébé. Oui, oui, c'est un bébé. Mm-hmm. Mais ça va dépendre avec la personne, ils échangent, au fait. Voilà. Il y a les garçons, moi, j'échange beaucoup avec les hommes. Il y a les hommes, ils sont bizarres. Mais au fur et à mesure, quand tu échanges avec eux, ils changent leur mentalité. Moi-même, j'avais un ami qui était Java. À chaque fois, je lui faisais des reproches. Mais il m'a dit quoi? Que Makani, bon, est-ce qu'on peut revenir ensemble? Puisque c'est grâce à toi, moi, j'ai changé. Voilà, il m'a dit ça. T'as accepté ou pas? Oui. Pourquoi il a accepté? C'est mon ami. Non, c'est vrai que nous sommes à la fin. Mais là, ça m'intéresse tellement que je vais te demander quelque chose. Moi, je suis une personne. Ouais. Vous étiez ensemble avant? Non, on n'était pas ensemble. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi la vie, on revient ensemble. Au fait, déjà, parce qu'il était, moi, je n'aimais pas. Parce que moi, je suis une personne, hein. Quand moi, je me confie à toi, je te mets sur un bon chemin, au fait. Moi, je suis comme ça. Voilà. Parce qu'une fois que moi, j'aime. De gauche à droite, je ne suis pas dedans. Comme s'il y a des gens, ils sont là, ils disent, ah, ma CP, mon CP. Mm-hmm. Mais dès que tu donnes d'eau, ils disent autre chose. Hein. Non. Ils vont te presser. Moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas dans ça. Donc, quand je suis là pour toi, je suis là pour toi. D'accord. Donc, s'il y a des moments où je peux te donner des conseils, je te donne des conseseils. Femme de valeur. Il y a géré ma panique pour mon frère. C'est important. Femme de valeur. Elle dit qu'elle est déjà mariée. Qui a dit, elle n'est pas encore mariée. Elle a géré pour mon frère. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Makani Sissé. Merci beaucoup, Franklin. Le seul chouchou du plateau. Notre roi, bien sûr. Et aussi, Kanate, Maria, merci beaucoup. Émilie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à notre technicien, Samuel. Alors, fidèles auditeurs, vous savez qu'il nous arrive à tous, à un certain moment de notre vie, de ressentir plein de peur quand on est dans une relation. Et là, c'est normal. Mais il faut faire confiance à l'autre, mais ne pas s'oublier aussi dans une relation. C'est très important. Merci beaucoup. Rendez-vous lundi et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ne faites pas ça. Bye bye. KFM, la radio jusqu'au bout du monde. T'as pas choisi le meilleur des hommes, oui c'est vrai que je peine à te combler. Je me bats pour faire la meilleure des sommes, mais ma femme elle veut juste me voir rentrer. Le monde veut me voir chanter, si je pouvais je ne chanterais que pour toi. Ce soir je veux pas y aller, tout passe en toi. T'as fait de moi un homme, tes douleurs sont les miennes. Réclame-moi et je donne, bébé. J'ai ton amour dans les veines.